Bonjour, j'enregistre cet audio-là. Nous sommes le 1er novembre 2023, donc la Toussaint 2023. Pour situer dans le temps un peu, là, l'affaire, c'est pas non plus pour nier qu'il y a eu une autre date la veille. De toute façon, la Toussaint aussi, puis ces affaires-là, ça reste des fêtes de la lumière. Le problème, c'est que c'est la fête de la lumière spectrale. Donc, c'est une fête de la lumière pareille, mais c'est de la lumière de la vieille eau, si on peut dire. Comment je pourrais dire ça? Il y en a qui ont tellement peur de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est comme l'autre extrême, que ils gardent l'eau puis le bébé, puis ils jettent le bain, puis ils gardent la vieille eau sale. Donc là, il y en a, ça ressort des extraits de Bernard de Montréal, BDM, complètement sortis de leur contexte. En plus que Bernard, il s'adressait à du monde qui avait un certain background d'intégration. Puis la base de Bernard, ben c'est d'aller au-delà de la forme, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans les extraits qui sont sortis dernièrement? Ben, il y en a un, je suis pas sûr qu'il était ressorti, mais que ça en avait choqué pas mal. Où Bernard, il disait, il va falloir crever les yeux de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit, Bernard et tout? Qui a été sorti, un petit extrait, mais qui est sorti du contexte. Puis même, le pire, c'est que c'est pas un contexte au sens intellectuel. C'est pas un contexte au sens intellectuel, c'est un contexte plus subtil un peu, étant donné le monde à qui il s'adressait, puis aussi l'époque. Puis Bernard, il dit quoi? Il dit, l'être humain, l'homme, l'être humain, c'est pas une créature du bon Dieu. Là, il y en a qui ressortent ça, des affaires de même, pour essayer de démontrer que Bernard était luciférien, il était satanique. Tandis que il n'y en a pas ben ben qui ont débusqué ces forces-là autant que lui en son temps. Pas tant que ça. Pas à ce niveau-là. Il a vraiment été au-delà des sentiers battus, lui, pour le débusquer, le luciférien puis le satanique. Puis quand Bernard, il dit qu'il va falloir crever les yeux de Dieu, ben, c'est par rapport au regard qu'on a, qui nous a tout le temps nuit. L'être humain, c'est à un moment donné, il est coupé d'avec ses circuits, il est en circuit fermé, il est chassé du jardin, si vous voulez. Là, il se fait duper par ce qu'on pourrait appeler le serpent, il rentre dans l'intellect, il se met à se poser des questions, il rentre dans la polarité du mental, il est pris entre le doute puis la croyance, puis ainsi de suite. Il est livré à sa conscience. Le fameux libre-arbitre, mais pas le libre-arbitre comme on l'entend dans la faculté de psychologie, là. Être livré à sa conscience au sens que il y a eu libre arbitre pour sa survie en dehors du jardin quand il est entré dans la densité de l'intellect, si on peut dire, s'est fait avoir par ses propres pensées. S'il m'a pensé que ses pensées venaient de lui, il est tombé dans l'orgueil de penser qu'il n'y avait pas d'intelligence en dehors de lui. Entre autres, comme quand Bernard dit qu'il va falloir crever les yeux de Dieu, il parle de notre regard subjectif qu'on a accumulé pendant tout l'expérimental, accumulant toute la mémoire, l'eau sale, la vieille eau sale. Parce que, pourquoi? Ben même si je considère qu'il y a eu des prophètes ou du monde en contact avec l'esprit, il reste que ce qu'ils ont laissé, ils laissent à une masse de gens, à la populace, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, les perles finissent entre les sabots des pourceaux. Puis, ce monde-là ne sont pas en contact avec l'esprit, ils sont en contact avec l'âme. C'est-à-dire la mémoire, les influences, le collectif, la mémoire expérimentale de l'humanité. Ce qui fait qu'on est allé jusqu'à commettre des crimes au nom de Dieu. C'est ce Dieu-là qu'il faut crever les yeux. C'est comme l'affaire quand il dit « L'être humain, c'est pas une créature du bon Dieu. » Ben, il y a une différence entre l'être humain création de Dieu puis l'être humain créature du bon Dieu. Le bon Dieu populaire, le bon Dieu des sparages, le bon Dieu de la superstition, le bon Dieu de l'âme, les bons dieuseries. Non, c'est pas ça qui a engendré l'homme, ça c'est l'homme qui a engendré ça. Par son immaturité animique, puis le fait qu'il y a un déficit au niveau de l'esprit. Donc, il reste que faut rester prudent. Il faut rester prudent. Parce que quand Bernard il parle d'aller au-delà de la forme puis de faire éclater les formes, c'est justement toute la densité qui s'est accumulée dans l'eau sale de l'âme humaine au cours des millénaires. En s'enregistrant, en se déformant par le temps puis l'espace. Parce que sortir du jardin, c'était tout entrer dans un autre espace plus dense. Et s'éloigner de plus en plus jusqu'à la fin. La fin de qui va être un autre recommencement, qu'on n'a pas le choix. C'est dit, c'est écrit. Puis revirez-les comme vous voulez. Revirez-les comme vous voulez. Moi, il n'y a personne qui va me convaincre que Bernard de Montréal, c'est un luciférien puis qu'il était satanique. Parce que quand il parle, je le vois ce qu'il dit. Mais ça, ben peut-être c'est pas donné à tout le monde. C'est peut-être pas donné à tout le monde. D'un autre côté, c'est pas plus grave que ça. On n'est pas pour se casser la tête, c'est entrer dans le piège des autres. Donc, il n'y a pas de quoi capoter avec ça, là. Bonne soirée, puis bon début de mois de novembre. Parce que là, à la fin de novembre, on va entrer dans le bonhomme là, qui tient le serpent à bout de bras, 29. Toutes ces bêtes valeurs, mais ceux qui sont justement sous les influences au lieu des voir, ben c'est des fausses dans l'année, des fois c'est pas le fun. Hein? Bonne soirée.